J'écoute ce que maman dit, oh mon prêtre, pour pas regretter. Quand mal est fait, j'peux pas revenir en arrière. Moi, mes rêves, on sait la paire. Fiston, Messi, pas des potos, c'est les potos. Ça va, ça vient, surtout quand y'a le fric au milieu. Tu verras à combien ça tient. Arrête de boire, arrête la fume. Tu vas perdre la vie ou perdre la vue. Ici, bas, t'en passes vite. T'auras 30 piges, après ta clope. Les gens m'ont rose, regarde là-haut. Tu verras pas quand on s'est compris. Oeil pour oeil, si c'est ton prix. Des poids une somme, on s'est compris. Ma masque est vieille, prends tes bras. Faire ce qu'il faut faire. Faire ce qu'on dit, si on veut, c'est qu'on peut. Et quand on peut, on doit. Quand m'arrête, si je vais trop vite. Quand m'arrête, pour ma troupe. Quand on veut, je crois qu'on peut. Et quand on peut, fiston, on doit. J'ai vu tes amis m'écrire. Trop attaché à leur âme. Je perds ton cœur et ton sourire. Pour guérir, faut attendre. Pour être sage, faut grandir. Oh, oh, ouais. Laisse faire le temps, ça ira. On n'oublie pas. Mais ça ira, ici pas des amis, ça ira. Tout a un prix, mais ça ira. J'tourne en rond depuis tout ce temps, j'ai pas mis d'or. Mes pensées dans la tête et j'passe la nuit dehors. La vie continue tant qu'on sourit encore. Laisse faire le temps, ça ira. Dans le creux de ma main, j'n'ai que mon cœur et mon destin. J'fais en sorte de garder ma modestie, mais y'a rien de simple. Le bleu de tes yeux, reflète ton âme, j'abrite un ange, j'ai le mal souvent, toi, depuis le jeu, on sait la one, depuis le jeu, la gay gay gay gay gay. Thanks, faire du pif, me faire des friends, c'est pas ma canne, faire les meufs, je digérerai, je vais même pas marcher à votre. Pif, c'est ce qui motive mon enfant en train, si je le fais pas, un autre le fera, j'ai peut-être pas choisi la bonne barre. Le cœur en dollars, follow me, moi je te follow pas, on a ce qu'on mérite, tout pour la paix, rien pour l'envieux, tout pour ma main. J'écoute ce que ma main dit, j'ai mes raisons, je fais l'addition de toutes mes fautes qu'on me jette la pierre, moi je la jetterai pas aux autres. J'ai vu tes amis m'écrire, je perds ton cœur et ton sourire. Pour guérir, faut attendre, pour être sage, faut grandir. Laisse faire le temps, ça vient.